6 ans que je suis sur cette terre. Je remercie Dieu s'il existe. Il m'a pris des êtres chers, c'est vrai que c'est dur, mais je résiste. On a des doutes et on hésite, mais on persévère, on persiste. Je saute mes peines, je les récite, j'ai de quoi t'en faire un récit. La France, c'est pas comme le Brésil, on a la chance d'une vie paisible. Mais on se la tue dans la résine, y'a de quoi se faire péter un fusible. Et de quoi sortir le fusil, mais raisonnable, on pense au prix. On saigne devant un verre de sky et un bon poulet rôti. Et je tourne, les jours se répètent. Encore le même problème, c'est le manque de pépettes. Le même tête à tête, celui qui plume est fait à fête. On attend le jour J, impatient à la fenêtre. Celui qui nous fera renaître, bien connaître le bonheur, la joie de naître. Rien ne m'arrête à part la mort d'un être cher. Je resterai toujours fier, forgé comme le fer, dur comme la pierre et sincère comme mon père. Et oh, la vie est dure, on se bat, essoufflé dans le combat, mais on n'abandonnera pas. J'ai le cœur cassé en deux, ce temps orageux prédit tant de rageux. Tu me dis de tendre la joue, demande d'être un peu plus doux. Une vie avec plus de goût, j'y joindrais bien les deux bouts. Beaucoup trop fier frérot, si je meurs c'est debout. Palmier derrière le panier, j'en reste peu pas nier. De quoi le fait par milliers, sans vider le barillet. Oui j'ai un tas d'idées, mais c'est interminable. Oui un terre de bœuf, je finis sur mon nuage. Je rallume ma fusée, je suis prêt pour le décollage. Du courage il t'en faudra, je ne serai pas toujours là. Je t'aime, je suis ton papa. Je ne vivrai rien pour toi, évite les bruits de couloir. Ne fais pas de coups bas, car tu sais ça va vite quand la juge te condamne. Dehors ou dedans, la vie est un combat. Tu vis, tu meurs, ta tête sur un combat.